La Malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographie et podcast sur le site internet de Radio Culture. C'est La Malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon, 5e épisode, Le Vieux de la Mer. مرحبا بكم في برنامج صندوق سندباد. Bienvenue à vous dans l'émission La Malle de Sinbad. Nous avions laissé notre ami estourbir et voler son prochain au seuil du trépas. Vous avez pu lire comment il était littéralement sorti de son tombeau, sa résurrection miraculeuse exigea de lui des actes criminels. Il vola et tua des innocents pour ne pas mourir. En dépouillant veufs et veuves de leur viatique funéraire, il contrevenait au commandement de sa société. On verra en Sinbad l'homme mu par un désir toujours plus grand, une manière d'ivresse, travestie en morale du risque. En vérité, il n'y a pas de morale, mais un pragmatisme cru, celui du profit. Véritable Ulysse, le marin ou plutôt le marchand, car c'est bien de cela qu'il faudrait parler, Sinbad Tajer. Le marin donc manie la ruse, el hila, ou la métisse, en toutes circonstances, car la fin justifie tous les moyens. Il est donc également transgresseur et la réception éthique de ses actions ne va pas sans poser problème. Non moins significative est la façon dont il parvint à sortir de sa camera obscura. Le mouvement d'un charognard, son semblable, lui indiqua l'existence d'une issue qui le conduisit à l'air libre. Il ne manqua pas de dérober aux cadavres du cimetière souterrain or et bijoux, et c'est en pillard qu'il recouvra la liberté. Il mentit, naturellement, aux matelots qui le sauvèrent, se gardant bien de leur révéler ses forfaits. Pourquoi alors confier à ceux qui l'écoutent les faits dans leur crudité ? Notre homme confesse, ne l'oublions pas. Il a tué, il tuera. Son 5e voyage le met aux prises avec le vieux de la mer, après s'être échoué sur une île qui ressemblait à un jardin de paradis. C'est en commettant une bonne action qu'il devient son esclave, un monde à l'envers. Le 100.0 FM vous présente La Malle de Sinbad. قالت بلغني أيها الملك السعيد أن سندباد البحري رحمه الله وأثنى عليه ثم قال ولم أزل على هذه الحالة قاعدا في الجزيرة إلى أن أمسى المساء وأقبل الليل فقمت وأنا مثل القتيل مما حصل لي من التعب والخوف ولم أسمع في تلك الجزيرة صوتا ولم أرى فيها أحدا ولم أزل راقدا فيها إلى الصباح ثم قمت على حيلي ومشيت بين تلك الأشجار فرأيت ساقية على عين ماء جارية وعند تلك الساقية شيخ جالس مليح وذلك الشيخ مؤتزر بإزار من ورق الأشجار فقلت في نفسي لعل هذا الشيخ طلع إلى هذه الجزيرة وهو من الغرقاء الذين كسر بهم المركب ثم دنوت منه وسلمت عليه فرد عليها السلام بالإشارة ولم يتكلم فقلت له يا شيخ ما سبب جلوسك في هذا المكان فحرك رأسه وتأسف وأشار لي بيده يعني احملني على رقبتك وانقلني من هذا المكان إلى جانب الساقية الثانية. فقلت في نفسي أعمل مع هذا معروفا وأنقله إلى المكان الذي يريده لعل ثوابه يحصل لي. Vous écoutez Sébastien dans la malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Que fais-tu là, vieillard, assis en ces lieux ? Lui demandai-je. Il hocha la tête d'un air triste et de gestes de la main me fit comprendre qu'il désirait que je le prenne sur mes épaules pour le porter sur l'autre rive. C'est une œuvre pie, pensai-je, que de rendre service à ce vieil homme et de le transporter là où il le demande. Peut-être serai-je récompensé de cela ? Je me penchai vers lui, le chargeai sur mes épaules et, arrivé de l'autre côté du ruisseau, l'invitai à descendre. Il n'en fit rien. Au contraire, il resserra ses jambes autour de mon cou. Je les examinai et constatai que leur peau était aussi noire et rugueuse que le cuir d'un buffle. J'essayai de le jeter bas, mais il assujettit sa prise avec une vigueur telle qu'il faillit m'étrangler. Les yeux couverts d'un voile noir, je perdis conscience et m'effondrai au sol, évanoui et comme mort. Il dégagea les jambes et me donna sur le dos et les épaules de violents coups de pied qui me réveillèrent. J'avais si mal que je me relevai, mais sans réussir à le mettre à terre. Je me fatiguai vraiment. D'un geste de la main, il m'enjoignit d'aller vers les arbres qui portaient les fruits les plus savoureux. Si je faisais mine de ne pas lui obéir, il me talonnait les côtes jusqu'à ce qu'il m'en cuise autant que s'il me donnait du fouet. Je ne cessais ainsi de le porter là où il le voulait. Si je tardais ou ralentissais l'allure, il m'en punissait immédiatement. J'étais devenu son captif. Nous parvînmes ainsi à travers les arbres jusqu'au cœur de l'île. Il ne me laissait de répit ni de jour ni la nuit. Quand l'envie l'en prenait, il urinait et déféquait sur mes épaules. Lorsqu'il voulait dormir, il serrait ses jambes autour de mon cou et prenait un bref sommeil. Une fois réveillé, il me frappait et me contraignait à reprendre ma course. Incapable de lui résister tellement je souffrais, je ne pouvais que me plier à ses exigences. Je me faisais d'amers reproches pour avoir eu pitié et lui avoir proposé de le porter. Je ne voyais pas comment me sortir de cette situation. Épuisé, je me disais, j'ai voulu faire le bien et n'en récolte que du malheur. Par Dieu, jamais plus je ne rendrai de service à personne de toute mon existence. J'implorai le Seigneur, exalté soit-il, à tout moment et à toute heure, de me rappeler à lui tant j'étais arrivé à un point extrême de fatigue et d'épuisement. Je restai dans cet état un certain temps, lorsqu'un beau jour, je débouchai dans une clairière où abondaient des courges calebasses, dont plusieurs étaient déjà sèches. Parmi ces dernières, j'en choisis une de fort volume, la décalotais et les vidais. Je marchai ensuite jusqu'à trouver des pieds de vigne. J'en cueillis les raisins, les pressai dans la calebasse que j'emplis. Je replaçai sa calotte et la laissai exposer au soleil. Après quelques jours, le jus fermenta et j'obtins ainsi du vin pur. J'en bus chaque jour pour surmonter la fatigue que m'imposait le satanique vieillard, rebelle à Dieu. Le vin me fouettait et soutenait mes forces défaillantes. Un certain jour, le vieillard me regarda boire et me demanda toujours par signe ce que c'était. « Une boisson des plus agréables, qui donne du cœur et réjouit l'âme. » Pour lui prouver ce que je venais de dire, je me mis à courir et à danser sous les arbres. J'étais comme ivre, battais des mains, chantais, me dilatais de joie. Lorsqu'il me vit dans cet état, il me fit signe de lui donner la calebasse pour qu'il en boive à son tour. Comme je le craignais, je la lui tendis. Il la vida d'un trait avant de la jeter par terre. Quand le vin fit son effet, il commença à se trémousser sur mes épaules, puis il sombra dans l'ivresse. Ses muscles se relâchèrent, et les membres devenus mous, il se mit à osciller en tous sens. Je compris qu'enivré, il avait perdu ses esprits. De mes mains, je saisis ses jambes, desserrai leur étau, m'inclinai vers le sol, m'assis, et le fis glisser à terre. Et l'aube chassant la nuit, Scheherazade dut interrompre son récit. Lorsque ce fut la 558e nuit, elle dit « On raconte encore, sire, ô roi bienheureux, que Sinbad de la mer se débarrassa du vieillard satanique qu'il portait sur les épaules. Je n'arrivais pas à croire, poursuivit-il, que je m'étais délivré et tiré de la situation où je me trouvais. Et j'avais peur qu'il se réveille de son ivresse et me tourmente à nouveau. Je me saisis d'une très grosse pierre que je trouvais sous les arbres, m'approchai et lui fracassai le crâne alors qu'il dormait. Sa tête était en bouillie, sang et chair mêlée. Il était mort, que Dieu lui refuse sa miséricorde. Cinquième épisode, le vieux de la mer sur Radio Culture Dijon. Sinbad est libre, mais perdu. J'ai pitié de celui-là seul qui se réveille dans la grande nuit patriarcale, se croyant abrité sous les étoiles de Dieu, et qui sent tout à coup le voyage, nous avoue le seigneur de la citadelle. La lune éclaire ses pas. À l'instar du Qamar de ce cinquième extrait des Mille et Une Nuits, Alf Leila ou Leila, Dum Kelthum, l'astre d'Orient, Kaukab Sharq, perle qui nous accompagnera tout au long de nos pérégrinations. Ya Amar Leili, lune de ma nuit, la lumière qui permet de s'orienter dans l'obscurité, comme la lume que l'aimable Lubin quémanda auprès du bon Pierrot. Ce dernier l'avait envoyé chez la voisine car sa chandelle avait rendu l'âme. Bien lui en prit, vu que la brune lui ouvrit sa demeure et que l'on devine un peu ce qui se passa quand la porte sur eux se referma. للناس لكل الدنيا قول قول قول محبة النور محبة الله محبة الخير محبة النور محبة الله محبة الخير محبة النور محبة يا رب افضل حلاوة سلام أول نقى في ايدينا وفرح أول معاد من قد شموع En musique, Radio Culture Dijon vous présente la malle de Sinbad. Sinbad s'était débarrassé de ce cavalier vieillard qu'il avait grimpé comme une monture. La ruse et l'effet du vin avaient vaincu la force de l'étreinte qui le maintenait sous la domination du gérontocrate. Vous entendez par ailleurs l'écho qui répercute la lutte contre Polyphème, l'alcool. L'alcool perd l'ennemi grisé tel une arme létale. Extraordinaire aventure que la tienne, lui criez-vous. Cet homme qui était sur tes épaules et auquel tu as échappé n'est autre que le vieillard de la mer. Nul autre que toi n'a survécu de ceux qu'il a réussi à enfourcher. Le vieillard avait les traits d'un monstre hybride. La peau de ses jambes était aussi noire et rugueuse que celle du buffle. Mais surtout, le comportement d'un parasite, comme tout être vivant aux dépens de son hôte. La littérature classique d'Adab héberge un personnage stéréotype dénommé Toufaïli, le pique-assiette. Idéalement, l'homme se présentant à un banquet sans y avoir été invité, autrement dit un adepte du Tadfil. Transposé au cadre sauvage de l'île édénique, le Cheikh el-Bahr, vieillard de la mer, abuse Sinbad et interroge les bornes qui régissent l'assistance à son prochain. Attention, sur la même racine lexicale, le curieux trébuche, le tifle, l'enfant, vit au crochet de ses parents, vertige des générations. Sinbad errait, il avait entre-temps reconquis son humanité. Lui qui marchait nu dans la jungle depuis des jours et des jours, il l'avait reconquise en recevant des habits de la part de passagers d'un bateau qui avait jeté l'ancre sur l'île pour s'abriter d'un vent hostile. Voyageant avec eux, il finit par atterrir dans la ville des singes. Madine est el-Qurud, dont toutes les maisons ouvraient sur la mer. L'endroit est pour le moins singulier. Les primates des environs contestaient la cité à ses occupants humains. Le jour et la nuit scandaient la migration de ceux-ci effrayés par cela. Un pays étrange tel un Wonderland. Maeva in Wonderland, interprétée par Ibrahim Malouf, en orchestre, en live, au Jazz Festival de Francfort, en 2013. La multitude simiesque contraint à l'exil nocturne, qu'on en juge par la barbarie de la situation. À la tombée de la nuit, les habitants la quittaient par les portes qui donnaient sur la mer, montaient sur leurs barques et leurs bateaux pour y dormir. C'est qu'ils craignaient les singes qui, chaque nuit, descendaient des montagnes et envahissaient la cité. Ainsi faisaient-ils chaque nuit. Quiconque restait dans la cité après la tombée du jour était massacré par les singes. Ceux-ci ne s'éloignaient qu'au lever du jour. Ils se retiraient alors dans les montagnes, s'y nourrissaient de fruits des vergers, avant d'y dormir jusqu'au soir. à la nuit, il s'en revenait. Toutefois, c'est grâce à ces mêmes singes que Sindbad parvint à rentrer chez lui, à Bassora. Comment ? La malle de Sindbad sur Radio Culture Dijon. Il ne nous appartient pas de déflorer l'intrigue qui suit. Nous vous en laissons le soin et le plaisir jusqu'à la prochaine émission. Quand les heures grasses nous font la nique, que la curiosité vous pique. L'or, vous saurez ce qu'il advint de Sindbad, l'audacieux marin. Ma'assalama. La malle de Sindbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien. Et Manon à la technique. Informations, bibliographie et podcasts sur le site internet de Radio Culture.